Ce matin, je voudrais partager sur un sujet qui est la continuation de notre thème des fleuves de vie débordantes. Mais si tu notes, tu vas écrire ceci: libère tes perfections invisibles. Libère tes perfections invisibles. Libère tes perfections invisibles. Ce message est un appel ce matin qui s'adresse à nous tous pour dire que ce qui a été longtemps caché en nous soit libéré. En termes de débordement, en cette année, la question que nous voulons répondre, c'est: nous débordons de quoi? Qu'est-ce que nous répandons? Qu'est-ce qui sort de nous? Et pour faire quoi? Et à quoi ça sert? Alléluia. Alléluia. Alors nous allons lire deux textes dans un premier temps. Nous lisons deux textes. Ézéchiel 47. Nous l'avons lu au réveillon. Mais nous lirons la deuxième partie. Et puis nous lirons aussi Romains chapitre 1er, versets 18 à 21. Nous lirons également Apocalypse 22, versets 1 et 2. Et si à la maison, tu pourras aussi lire Luc chapitre 3, versets 21 à 22, 4 versets 1 et 2, et puis 14 ou versets 14 à 15. Tu peux lire aussi à la maison Jean chapitre 4, versets 13 à 15. Alléluia. Libère tes perfections invisibles. Libère tes perfections invisibles. Mais pour que tu puisses être avec moi dans ce message, j'aimerais que tu le dises de ta propre bouche, mais tu le dises à ton voisin. Dis-lui: libère tes perfections invisibles. Bon, mais je crois que là c'est un peu vague. Demande-lui son nom, dis-lui quel est ton nom et il va te le dire. Et puis tu vas t'adresser à lui en son nom. Hein? Il s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Ok, maintenant dis-lui: Joseph, libère tes perfections invisibles. On a fait les devoirs? Ok. Ézéchiel 47, à partir du verset 5, nous lisons ensemble. Vous avez trouvé? Allons-y, 1, 2, 3. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit: est-ce que vous êtes là? Vous avez pu trouver? On a trouvé? Ok, on y va. Verset 6. Il me dit: as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit: cette eau coulera vers le district oriental, descendant dans la plaine, et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui s'émeut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Et des pêcheurs se tiendront sur ses bords. depuis Enguedi jusqu'à Angléim, et on étendra le filet, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marins et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel, mais sur les torrents et sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, et leurs fruits serviront de nourriture, et leur feuillage de remède. Alors, retenez la première chose. Ces textes nous révèlent les perfections qui sont en Dieu et qui sortent et leur impact, leur effet sur une terre désertique, leurs effets sur une mer stérile, leurs effets sur les êtres humains qui sont malades, qui ont faim, l'effet de ces perfections invisibles sur les poissons dans la mer qui revivent, l'effet sur les pêcheurs qui ont besoin de pêcher et de rentrer avec des poissons à la maison. Il y a assez de poissons désormais parce que quelque chose est sorti de Dieu et est rentré dans la mer. Et la mer était invivable, l'environnement était impossible, incroyable, mais à partir de quelque chose qui est sorti de Dieu, toutes ces situations sont transformées. Alléluia. Ah, bienvenue Jacques, tu es là. Que Dieu te bénisse. Toutes ces situations sont transformées parce que quelque chose est sorti de Dieu, que nous appelons ce matin les perfections invisibles. Alors, Romains 1, 20, verset 18. Romains, on va revenir sur Ézéchiel un peu après. Verset 18. Romains, nous lisons ensemble. C'est trouvé? On y va. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20. Lisez bien, bien le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. On revient au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde et quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On peut s'arrêter là. Retenez ceci de ce texte. En Dieu, depuis l'éternité, existe, je le dis au présent continuel, existe des perfections invisibles. Je ne veux pas dire a existé, mais existe. Parce que c'est en permanence. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui existent des perfections invisibles. Maintenant, Paul dit, La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Le contraire de la vérité, c'est les ténèbres, c'est le mensonge. La vérité est comprise aussi comme la lumière. Parce que quand tu connais la vérité, tu es éclairé. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité nous donne accès à la lumière. Et la vérité, lorsqu'elle sort, elle éclaire ce qui sort dans les ténèbres. Vérité fait donc partie des perfections invisibles qui sont en Dieu. Jésus est appelé lui-même la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est sorti de Dieu pour venir sur la terre afin d'habiter dans ton cœur et dans mon cœur. Jésus, perfection invisible. Maintenant, Paul dit, la colère de Dieu s'élève contre ceux qui gardent captive la vérité. Ceux qui gardent captive la perfection qui est sortie de Dieu et qui a été injectée en eux. Colère de Dieu. La colère de Dieu s'élève. Et il dit, ces hommes, ils sont inexcusables. Au verset 20, vous avez vu ça? Ils sont inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ayant rencontré Dieu, ayant pris accès aux perfections invisibles de Dieu, ayant bénéficié de la toucher de Dieu, ayant bénéficié du transfert de quelques perfections invisibles de Dieu en eux, ils les ont gardés captifs. Ils sont inexcusables. J'ouvre ici une parenthèse pour éclairer quelque chose. Depuis la chute en Éden, le diable est venu dans le jardin d'Éden. Il a tenté Ève, Adam. Ils sont tombés. En fait, ils ont accepté l'injection diabolique que je vais appeler les infections invisible. Beaucoup de gens fonctionnent avec les perfections invisibles, mais d'autres fonctionnent avec les infections invisibles. Demande à ton voisin, tu fonctionnes avec quoi? Perfection ou infection? Demande-lui. Chez toi, c'est quoi? C'est perfection ou infection? Les perfections invisibles. Alors, Dieu dit, Paul dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient. Ils se voient. On peut le voir. Comment on va voir des choses invisibles? Ces perfections sont vues. Parce que Dieu les a libérés. Dieu les a laissés partir. Dieu les a fait sortir de lui-même. Et il y a eu quelques vagues de débordement de l'Éternel pour libérer ces perfections invisibles. La première vague, c'est à la création. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il libéra des perfections invisibles. Les cieux et la terre que nous connaissons existaient en Dieu, je l'ai dit la fois passée au réveillon, existaient en Dieu et ne pouvaient être connus ou accessibles qu'à la mesure où Dieu le libère, où cela déborde de Dieu et apparaissent et l'univers est planté, y compris la terre, ces lieux prévu pour l'homme, confectionné pour l'homme, mais ces lieux qui sortent de Dieu une perfection, la terre, une perfection, afin que l'homme y vive, que la vie soit sur la terre et que cela soit possible d'y vivre. Cela est venu de Dieu. Ça fait partie des perfections qui sont sorties de Dieu. Quand tu vois la lune apparaître le soir, quand tu vois le soleil apparaître le matin, quand tous ces chercheurs découvrent des choses, les étoiles, les galaxies, les voies lactées, toutes ces choses, quand tu vas dans les champs et que tu récoltes de maïs et tu vois ces grains que tu as semés, un grain et qui remonte et qui devient une plante. Et voici, tu peux cueillir le maïs, gousse de maïs. Quand tu vois, tu as planté un grain et ça devient un arbre qui donne des fruits tout le temps. On vient s'abriter dessous et puis on mange ou on récolte, on va vendre au marché. Toutes ces choses sont venues d'où? Elles étaient cachées en Dieu avant le commencement. Je vous ai dit que Dieu n'a pas existé au commencement. Quand la Bible parle de commencement, il s'agit du commencement de l'univers. Avant le commencement de l'univers, Dieu était déjà là. La première vague qui sort de Dieu comme premier débordement de Dieu, c'est cet univers qui déborde de Dieu, qui existait en Dieu. Mais Paul dit, ces perfections invisibles se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Waouh! Retenez bien cette deuxième partie. Quand on les considère dans ses ouvrages, quand on considère Dieu dans ses ouvrages, on voit ses perfections invisibles. Et je vais dire à quelqu'un ici, les perfections invisibles qui sont en toi seront vues à l'œil quand tu vas passer à l'ouvrage. Vous avez compris? L'ouvrage. Lorsque ces choses vont sortir de toi, par l'œuvre de ton cœur, je préfère dire œuvre de ton cœur et non pas œuvre de ta main, parce que la main c'est tellement petit. Par l'œuvre de ton esprit, par l'œuvre de ton cœur, lorsque ces ouvrages vont sortir de toi, alors on va percevoir comme à l'œil les perfections invisibles qui sont en toi. David dit, je te loue Seigneur, parce que je suis une créature merveilleuse. C'est quoi cette créature merveilleuse? David observe une perfection invisible qui était cachée à Dieu, mais qui est vue à l'œil. C'est l'ouvrage de qui? De Dieu et non pas ton ouvrage. Regarde ton voisin et dis-lui, en effet, tu es une perfection invisible, mais ce n'est pas ton ouvrage. Ce n'est pas ton ouvrage. Vous comprenez ce que je dis? Tu vois ce que ma femme est là? Elle est une perfection invisible, mais ce n'est pas son ouvrage. Nous, on peut entretenir cette perfection, mais ce n'est pas notre ouvrage. Ça fait partie des ouvrages. Quand on le voit dans son ouvrage, lui, son ouvrage. Son ouvrage. Son ouvrage. Quand tu passes du temps à entretenir et à entretenir, tu entretiens l'ouvrage de Dieu. En fait, il n'ajoute rien. Il a déjà tout fait. Les mamans, est-ce que vous ajoutez quelque chose? Mais certaines affections invisibles détruisent ce que Dieu a fait par les chocos. Il ne faut pas faire ça, mes amis. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des perfections invisibles en toi. Mais d'où cela vient? Ces perfections invisibles sont arrivées dans la deuxième vague. Laquelle? Après que Dieu ait créé l'univers et que nous voyons ces perfections invisibles, il va décider de créer l'être humain, l'homme, Adam. Il va prendre de la terre, c'était comme de l'argile chez les potiers, sans vie, sans espoir, sans rien. Et la Bible dit, Dieu va prendre le soin d'opérer un deuxième ouvrage. Deuxième ouvrage. Elle s'appelle comment la deuxième ouvrage? L'homme. La deuxième ouvrage, Genèse chapitre 2, verset 7, « Et il insouffla ce souffle dans cet ouvrage. » Et cet ouvrage devint un être vivant. 1 Corinthiens 15, 45 dit, « Le premier Adam devint une âme vivante, mais le second Adam devint un esprit vivifiant. » Suivez-moi bien. Quand Dieu opère dans la deuxième vague, il déborde de lui-même son souffle. Et ce souffle, ce n'est pas juste du vent. Le souffle que Dieu a déposé dans l'homme n'était pas juste la respiration. Parfois, nous avons l'impression que le souffle que Dieu a mis en nous, c'était la respiration. Le... Non. C'était une perfection invisible qui était en Dieu, qu'il a déposé dans l'homme, afin que l'homme devienne l'homme. Mais cette perfection n'avait pas comme terminus la forme que nous avons, la constitution que nous avons, mais c'était un dépôt. Dites dépôt. Le souffle de Dieu, quand il a insufflé dans les narines de l'homme, il a mis un dépôt. De quoi? Des perfections invisibles qui sont en Dieu. Il a donné à chacun une quantité. Il a donné à chacun de nous un dépôt, un lot avec lequel il nous a chargé de continuer à opérer dans la troisième vague. Je crois la quatrième, parce que la troisième, je vais vous en parler tout à l'heure. Opérer dans la quatrième vague qui veut que l'homme fasse sortir ce qu'il a mis, ce que Dieu a mis en lui. Et il dit à Ève et à Adam, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, puis dominez. Cinq impératifs, j'en ai partagé aux jeunes hier. Les cinq impératifs avec lesquels nous pouvons laisser une empreinte sur la terre. Quand vous lisez Ézéchiel 47, que nous avons lu du cinquième et suivant, vous trouvez que quelque chose dans cette image sort de Dieu et laisse des empreintes sur la terre. Ça laisse des empreintes. Quelque chose sort du seuil de Dieu. Quelque chose sort de Dieu, sort du trône de Dieu. Et cela vient dans la terre, vient sur la terre, déborde sur la terre, et la terre est transformée. La terre est transformée. Buona sifiwe. Buona sifiwe. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Qui comprend jusqu'ici? Qui ne comprend pas encore, je reviens. Levez la main. Ok. Alors, dit Dieu, libère tes perfections invisibles. Lorsque Dieu nous dépose sur la terre, après avoir mis en nous le dépôt d'une partie de ses perfections invisibles, il nous charge d'une mission qui consiste a opéré comme Ézéchiel 47, 5 à 12. Les attentes de Dieu, les attentes de Dieu sur toi et moi consistent à ce que là où Dieu t'a déposé, ce que Ézéchiel décrit devienne une réalité. Mais pour que cela devienne une réalité, tu dois libérer tes perfections invisibles. Si tu ne le fais pas, Paul dit, tu es inexcusable. Et la colère de Dieu se lèvera sur toi. Ici, j'aimerais parler aux chrétiens. Bwana asifiwe. Nous nous sommes limités à juste libérer les perfections spirituelles invisibles qui sont en nous. C'est ce qui fait que dans certains milieux africains, chrétiens, on a constaté que les gens n'évoluent pas, ayant pris la religion ou la foi comme l'opium. Les communistes ont dit, le christianisme, c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire, le christianisme abrutit les peuples, selon eux. À ces temps-là, heureusement, Dieu est venu mettre le doigt avec Gorbatchev et il a chambardé les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde un peu ton voisin et considère qu'il est un dépôt. Regarde-le. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Regarde-le et considère. Regarde-le attentivement. Considère que là, celui-là, il est un dépôt. Hein, Justine, tu es un dépôt. De quoi? Des perfections invisibles de Dieu qui sont devenues des perfections invisibles qui sont en toi, mais qui doivent déborder. Ils doivent déborder. Ils doivent déborder. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Je crois que si tu comprends ça, on peut arrêter le message ici. Alléluia. Alléluia. La colère de Dieu s'élève contre l'impiété de ceux qui gardent les perfections invisibles de Dieu en eux captives. Tu as retenu ça? La colère de Dieu s'élève contre l'impiété, autrement c'est impie, lorsque tu conserves et tu caches dans une prison les perfections invisibles que Dieu a déposées en toi. C'est impie de faire cela. Il ajoute, tu es inexcusable. Je comprends Dieu. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a mis tellement toute son attention. Il y a mis toute son énergie pour créer l'homme de manière spéciale qu'il est normal qu'ayant compté sur l'homme, il est normal qu'ayant misé sur l'homme, qu'ayant placé sa confiance dans l'homme, il constate que l'homme garde captif les richesses. Paul dit ça dans Colossiens, les richesses incompréhensibles de Dieu. Vous voyez ça? Les richesses incompréhensibles de Dieu. Ou les perfections invisibles de Dieu. Quand je suis en train de dire cela, je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire, pasteur, je te rassure, ni bien quoi. Et il y a quelqu'un qui est vraiment incrédule. Il ne croit pas que lui peut détenir quelque chose. N'est-ce pas? Tu crois? Tu crois que tu as quelque chose? Alors si tu crois, acclame le Seigneur pour le dépôt. Il y a un dépôt en moi. Il y a un grand dépôt. Il existe un dépôt. Et ce dépôt doit être libéré pour aller déborder et changer des situations. La troisième vague, c'est Jésus-Christ. Dieu libère son Fils unique et l'envoie sur la terre, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque reçoit Jésus-Christ reçoit la troisième vague de débordement de l'éternel qui vient comme catalyseur, qui vient comme l'élément déclencheur de notre débordement, Jésus. Et lorsque Jésus vient, il vient pour habiter en nous, pour nous accompagner jusqu'à ce qu'on retourne au ciel. Il fait même la troisième chose, il envoie le Saint-Esprit pour qu'il vienne nous entretenir et nous conduire dans toute la vérité. Buona si fiwe. Alors, lorsque nous évoluons dans cette méditation, je voudrais que chacun d'entre nous puisse se rendre compte d'une chose. Le monde est regardé comme un désert. Lorsque Jésus vient sur la terre, né à l'étable, grandit à Nazareth, à l'âge de 30 ans, il va au baptême. Jean-Baptiste lui dit, « Je ne suis pas digne de te baptiser. » Jésus lui répond, il dit, « Laisse faire que j'accomplisse tout ce qui est juste. » Et Jean-Baptiste accepte de le baptiser. Quand il finit de le baptiser, le Saint-Esprit descend sur Jésus sous la forme de colombe. Il est rempli du Saint-Esprit. Et au chapitre 4 de Luc, chapitre 1er, chapitre 4, verset 1 et suivant, la Bible dit, et le Saint-Esprit les conduisit dans le désert, où il fut tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Il resta au désert. Marc 1, 13 dit, il était avec les bêtes féroces. Désert. Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est une zone aride, selon les scientifiques, où il y a moins de 155 millimètres d'eau par an. C'est un lieu où il n'y a pas de végétation, où il y a peu d'animaux et peu d'êtres vivants. Désert. Pourquoi tu envoies ton Fils unique au désert? Pourquoi Jésus doit aller au désert alors qu'il vient de recevoir l'onction? Le Saint-Esprit vient de descendre sur lui. Il vient d'obtenir la plénitude. Pourquoi tu vas au désert? J'ai médité sur cela et j'ai compris ceci que je vous partage. Déjà au ciel, lorsque Dieu était en train de s'écrier, voici le livre scellé de sept sceaux qui va descendre sur la terre pour aller l'exécuter. Et Jean l'apôtre pleurait beaucoup parce qu'il vit que personne ne fut trouvé digne d'aller regarder le livre et de rompre les sceaux. Mais l'agneau, comme immolé, se leva et dit, je vais, le Fils, il dit, je vais au Père pour faire ta volonté. Et Jésus-Christ descendit sur la terre. Il prit le rouleau, Il rompit les seaux, autrement il ouvrit les seaux pour exécuter le contenu. Le contenu qui consistait à sauver l'humanité. L'humanité c'est qui? C'est toi et moi. Qu'est-ce que tu viens faire, Seigneur? Je viens accomplir Ézéchiel 47, versets 5 à 12. Je vais sur la terre pour aider l'homme qui a reçu des perfections invisibles depuis le commencement. Je viens l'aider à sortir ces perfections qui sont en lui et les déverser sur sa génération, afin que la transformation arrive. Je veux le faire. Jésus vint. Et lorsqu'il eut le temps de commencer sa mission, à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit descend sur lui. Mais est-ce que Jésus comprend de manière concrète la situation de l'homme qu'il vient sauver? Je crois que le Saint-Esprit doit lui donner une leçon du désert. Dites leçon du désert. La leçon du désert est que Jésus doit comprendre l'état de l'homme de manière concrète. Il doit vivre, il va palper du doigt, comme disent les politiciens. Jésus doit aller palper du doigt le sort de l'homme depuis la chute. Vous savez, à la chute, la Bible dit même la terre est devenue rigide pour donner libéralement ce produit à l'homme. Il est écrit, les plantes qui produisaient les fruits ont commencé à produire des épines. C'est pourquoi à la croix, on a fait porter à Jésus-Christ une couronne d'épines pour dire, les épines ici qui nous sont arrivées, récupère-les pour que nous nous retrouvions les fruits. Jésus récupéra les épines. Et nous aujourd'hui, nous pouvons récupérer les arbres fruitiers. En fait, après que Dieu ait ôté les épines sur nous, il est possible de libérer la vie qui est en nous. Alors Jésus doit aller dans le désert. Il doit comprendre c'est quoi le désert. Il doit comprendre c'est quoi la situation de l'homme. Savez-vous que l'homme est désertique? L'homme sans Dieu est désertique. La chute a produit une humanité désertique où il n'y a pas de vie. Planter tes manioc au désert, tu viendras retrouver tes boutures. Tu viendras retrouver tes boutures déjà séchées. Le désert, nous vivons la vie des déserts. Nous sommes désertiques. Même dans l'église, on peut retrouver des gens qui vivent le désert, qui est les conséquences des infections invisibles que Satan est venu injecter dans notre vie. Il nous a desséchés. C'est comme ça que vous voyez un homme rentrer chez vous avec une arme ou avec un couteau et puis il égorge les gens. Comme si c'est normal. C'est qui cet homme? En fait, les affections invisibles sont tellement remplies en lui que sa vie est désertique. Désertique, c'est par rapport à la vie, par rapport à la pluie, par rapport à la vraie vie. Et quand vous rencontrez des hommes sans Dieu, vous pouvez vous rendre compte que la vie n'est pas dedans. Et Paul dit, ceux qui n'ont pas Dieu sont des animaux. On appelle cela dans 1 Corinthiens 2, verset 12-13. Il dit, l'homme animal ne connaît pas les choses de l'esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a des infections invisibles qui remplissent sa vie. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Seigneur, débarrasse-moi des infections invisibles. Jésus, en toi, c'est la vie et la gloire. Jésus en toi, c'est l'espérance. Jésus en toi, c'est la fin du désert. Désert. Maintenant, je disais, selon Luc chapitre 4, où Jésus est envoyé au désert par le Saint-Esprit. Jésus va au désert et il comprend concrètement ce que c'est que la situation de l'homme. L'homme est misérable. L'homme est desséché. Il n'y a pas de vie. Il constate que l'homme est soumis aux bêtes féroces. Vous avez vu ça? Les bêtes féroces. Et il constate aussi qu'il y a celui qu'on appelle le tenant du désert. Dites le tenant du désert. Le tenant du désert, c'est qui? Satan, le diable. Qui, pendant que Jésus est dans le désert, le tenant du désert apparaît et lui fait des propositions. En fait, il veut lui injecter aussi les infections invisibles qui sont en lui. Heureusement, Jésus connaît la parole. Heureusement, Jésus connaît son identité. Heureusement, Jésus sait c'est pourquoi il est venu. Et il vainc Satan. Il termine la guerre avec Satan. Il le combat. Et il, à la fin, il est dit, et le diable le quitta pour attendre une occasion favorable. Et l'occasion favorable est venue à Golgotha. Là encore, Jésus l'a vaincu. Et une troisième occasion, c'était de le garder dans la tombe. Et le troisième jour, Jésus est ressuscité. Et puis, il est monté au ciel, assis à la droite du Père, il est intercède pour nous. Qu'est-ce que tu pries chaque jour pour nous, Seigneur? Je prie que les perfections invisibles que j'ai déposé en vous sorte. Je prie que chacun de vous déborde. Je prie que chacun de vous libère les investissements, libère les dépôts, ouvre les portes de la prison. Vous gardez captif ces perfections. Ouvrez les portes de la prison de mes perfections que je vous ai laissé continuer à distribuer. Nous sommes des distributeurs des perfections de Dieu dans notre société. La conséquence ou l'effet, l'impact de cette distribution, c'est ce que nous avons lu dans Ézéchiel 47, 5 à 12. 5 à 12. Buona sifiwe. Vous savez, je peux retenir un processus. C'est que lorsque Jésus doit aller à la croix pour sauver l'humanité, il y a quelque chose qui s'est passé. Premièrement, il doit obéir au principe de Dieu. Il dit, laisse faire que j'accomplisse tout ce qui est juste. Deuxièmement, le Saint-Esprit descend sur lui. Il obtient la plénitude. Troisièmement, il va au désert pour connaître les besoins auxquels il doit répondre. Vous retenez ça? Il va être confronté aux besoins auxquels il va répondre. La confrontation avec les besoins active l'onction qui est sur lui. C'est la confrontation avec les besoins du désert. Au verset 14, la Bible dit, Jésus retournant du désert, fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? En faisant face à la réalité du désert, cela a eu deux ou trois impacts. Le premier impact, la sainte colère. Jésus doit recevoir une sorte de choc spirituel. Jésus doit se rendre compte des besoins auxquels il va répondre. Jésus doit réaliser que c'est urgent. Deuxième conséquence pour laquelle le Saint-Esprit l'envoie là-bas, Jésus, en confrontant le désert, doit rencontrer les bêtes féroces et se rendre compte que l'homme que je suis venu chercher fait face à des bêtes féroces. Troisièmement, Jésus doit rencontrer les boss du désert et se rendre compte que c'est toi, Satan, qui jette un défi à mes projets. C'est toi qui mets au défi mes perfections invisibles que j'ai laissées sur la terre. C'est toi qui es venu les ruiner. Jésus doit rencontrer le diable face à face. Cette expérience allume l'onction. Cette expérience met le feu sur l'onction que Jésus a reçue. Regardez, beaucoup de gens, nous venons à l'église, même dans des rencontres du Saint-Esprit, et nous disons, prions pour la plénitude. Et nous prions, n'est-ce pas? Qui a déjà fait ça? Vous avez déjà prié, non? Pour avoir l'onction. Est-ce que certains l'ont eu? Vous avez eu l'onction quand vous l'avez demandé? Bon, on a douté ça. Est-ce que vous avez eu ça? Mais qu'est-ce que ça produit? Très souvent, nous avons reçu l'onction, mais comme nous ne nous sommes pas confrontés avec les réalités du désert, nous avons reçu l'onction et nous l'avons gardée captive. Nous n'avons pas exposé l'onction aux besoins. Nous n'avons pas regardé, pris conscience de la raison pour laquelle Dieu nous a donné l'onction. Savez-vous que l'onction, nous la recevons pas pour juste nous? Écoutez, la plénitude est utile lorsqu'elle déborde. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit pour toi-même et que tu peux parler en langue pour toi-même, c'est bon, mais c'est une étape. L'étape qui est importante pour Dieu, c'est que cette onction coule, c'est que cela sorte, mais ça ne saura sortir qu'à la mesure où tu es parti au désert. À la mesure où tu as pris conscience du désert, tu as pris conscience des besoins de l'homme pour répondre à ses besoins. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi certains serviteurs restent ternes malgré la consécration, malgré l'onction. Certains chrétiens restent fades malgré la prière qu'on fait sur eux parce qu'ils n'ont pas pris conscience. La quatrième chose que cela a produit dans le cœur de Jésus, c'est les disposer au sacrifice. Quand il est parti au désert, il a compris qu'il faut payer ce prix ici. J'ai déjà l'onction, j'ai déjà la provision divine, de puissance, je dois régler cette affaire. Je dois régler ce dossier. Et ça l'a conduit à monter à Golgotha pour achever la mission. Vous savez, vous avez déjà regardé les matchs olympiques ou les Jeux olympiques. La plupart de fois, les héros sont des personnes qui fonctionnent de la manière suivante. Les héros sont des personnes qui voient le besoin et qui s'attellent au besoin sans considérer le chemin qui va les y conduire, sans considérer les embûches, les épines par lesquelles ils vont passer. Dans une guerre, un héros, c'est quelqu'un qui ne considère pas les bombes qui sont en train de tomber sur lui, mais qui avance. Il avance. Il avance. Les bombes tombent, il n'attire pas son attention sur les conséquences, sur les épines qui le piquent. Son attention est focalisée sur le résultat. Et il se bat, ses yeux sont sur les résultats. Quand vous lisez les hommes de David, les vaillants hommes de David, vous allez retrouver cette réalité-là. Ils vivent pour les résultats. Dans le désert, Jésus était déjà venu du ciel pour sauver l'humanité. Jésus vient d'obtenir l'onction, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mais il doit être amené au degré du sacrifice. Il doit comprendre qu'il doit se sacrifier. Écoutez mes frères, tu ne sauras pas déborder cette année 2017 si tu ne t'exerces pas à regarder en face les réalités de l'infection qui est dans notre monde. Si tu te confortes dans la plénitude que tu as, certains, ils ont des plénitudes intellectuelles, tu es intelligent, n'est-ce pas? Mais ton intelligence ne sert à rien jusqu'au jour où tu vas la confronter avec les besoins du désert. Ton intelligence résout quel problème dans notre société? Tu es riche et tu as la plénitude des richesses. Tes richesses ne serviront que lorsqu'elles vont déborder pour répondre aux besoins du désert de notre génération. Et que faire alors lorsque nous n'avons même pas ces plénitudes-là? Vous savez, c'est lorsque tu te confrontes aux besoins que tu comprends aussi le besoin de te ressourcer en plénitude. Vous savez, je vous ai dit, la source est permanente. Dieu, en tout moment et en tout lieu, sur tous les globes, même dans les airs, en tout lieu, Dieu est prêt à te recharger encore. Dieu est prêt à t'ajouter encore de ses perfections invisibles. Mais il ne pourra continuer à le faire si tu les gardes captifs. Mais lorsque tu as décidé de commencer à les libérer, c'est-à-dire à déborder, tu as décidé à commencer à déborder, autrement dit, à répondre aux besoins du désert, et que tu es utile à celui qui est fidèle pour peu de choses, Dieu fait quoi? Il ajoute encore. Tu as demandé l'onction un jour, mais tu n'as rien fait avec ça. Dieu n'a pas intérêt à t'ajouter de l'onction. Mais Paul dit, tu es inexcusable. Parce qu'après avoir obtenu les perfections invisibles de Dieu, onction, tu as gardé ça captif. Tu es inexcusable. Et la colère de Dieu s'élève contre ceux qui vivent dans cette impiété. Paul appelle ça impiété. Tu gardes captif l'onction de Dieu en toi. Mais si tu t'exerces à regarder le désert, à regarder les besoins, ça va t'exciter à rentrer chez Dieu et dire, Seigneur, l'onction que tu m'as donnée est insuffisante par rapport aux besoins que je viens de voir. Il y a des malades qui doivent guérir. Il y a des boiteux qui doivent marcher. Il y a des sorciers qui doivent se convertir. Il y a des fétiches qui doivent être brûlés. Il y a des paralytiques qui doivent marcher. Il y a des pauvres qui doivent devenir riches. Ça fait partie, hein. Il y a des insensés qui doivent devenir sensés. Je m'adresse à quelqu'un. Et toutes ces choses sont possibles parce que les perfections invisibles qui sont en toi ont été mises en toi pour régler ça. Et si le besoin est trop grand, reviens à la source. Rentre à la source, puise encore. Prends encore. Dieu est libéral pour te donner davantage de l'onction. Pour que, jusque dans la mer, tu puisses assainir ta société. Buona sifiwe. Buona sifiwe. Buona sifiwe. Est-ce que vous m'avez compris jusqu'ici? Alors, si tel est le cas, les chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons libérer les perfections invisibles qui sont en nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons évaluer le besoin et nous engager à répondre aux besoins. Nous évaluer les besoins, nous engager à répondre à ces besoins. Lorsque nous ignorons les déserts, nous allons être des chrétiens ordinaires. Et quand nous allons rencontrer les déserts, nous allons fuir. Ou alors nous allons appeler le pasteur. Pasteur, viens vite, il y a un désert ici. Et ça, c'est un grand déficit dans le royaume de Dieu. Lorsque le pasteur est le seul à tout faire, c'est un déficit énorme. C'est un déficit. Mais lorsque chaque chrétien est prêt à s'engager, à participer au débordement et à résoudre les besoins, à répondre aux besoins, alors le royaume de Dieu avance. C'est donc par l'ignorance du désert que certaines fois les chrétiens gardent captifs les solutions qu'ils détiennent. C'est aussi par insensibilité ou inconscience de ses besoins ou du sort de l'homme qui est désertique. On est insensible. En conclusion, une forte conscience du désert, comme au temps de Christ, une forte conscience du désert nous conduit à une forte demande de plénitude. Et une forte demande de plénitude produit une grande puissance de débordement. Et quand il y a grande puissance de débordement, il y a un impact dans notre génération. Il y a un grand impact dans notre génération. Un grand impact dans notre génération. J'aimerais qu'on termine en relisant deux textes. Et Ézéchiel, où nous avons lu, on va relire cela pour que tu mesures ce que tu es capable de produire comme impact dans ta génération. Alléluia. On peut y aller. Ézéchiel 47. On va terminer par là. Nous lisons deux textes. Lèvons-nous et nous lisons ensemble. À Assure-toi que ton voisin est debout. Tu peux le secouer un peu, tu dis, on nous a dit d'être debout. Si tu n'as pas de Bible, tu lis chez le voisin. Regardez chez les voisins, s'il vous plaît. C'est prêt? Verset 5. 1, 2, 3. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. J'aimerais que si tu as ton stylo, tu soulignes l'impact de ce que toi tu vas commencer à produire. Tu as pris ton stylo? Regardez, la première chose que cela produit, c'est quoi? Beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et rentrera dans la mer. Regardez, l'onction qui est sur toi, les perfections invisibles qui sont en toi, ne vont pas juste tomber par terre ici à côté de toi. Elles doivent couler et aller au loin jusqu'aux extrémités de la terre. Dites à ton voisin, le pasteur parle de l'extrémité de la terre. Je veux dire l'étendue où doivent aller tes perfections invisibles, c'est les extrémités de la terre. Et si tu es un homme d'affaires, ton impact en affaires doit aller aux extrémités de la terre. Si tu es un homme de Dieu, l'onction qui est à toi doit amener les fruits ou les résultats de ton ministère jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu es un scientifique, l'onction qui est à toi doit amener les produits de tes découvertes, les produits de tes inventions à impacter jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu es un politicien, l'onction qui est à toi doit amener les conséquences des perfections invisibles de Dieu en politique à aller non seulement à Goma, mais aussi à Kinshasa et jusqu'aux extrémités de la terre. Le torrent descend de la plaine et il part. Il ne tombe pas à côté pour rester là. Il sort, descend dans la plaine, dans la Araba, jusque dans la mer. Vous avez vu votre impact? Jusque dans la mer. Et les eaux de la mer, on y va, deviendront saines. Waouh! Les eaux de la mer seront assainies. À commencer par ta maison, la vie, l'environnement de ta famille va être assaini à partir de l'onction qui sort de toi. Mais attendez, à continuer à la lecture, rappelez-vous que c'est la conscience du désert, la connaissance du désert, la confrontation avec le besoin qui va t'aider à orienter l'écoulement de ton onction, de tes perfections invisibles. Les eaux deviendront saines. On peut y aller avec la suite. 1, 2, 3. Tout être vivant qui s'émeut vivra partout où le torrent coulera. Ok. Partout où tu vas arriver, mon frère, ta présence doit vivifier. C'est à quoi tu te confrontes. Tout vivra partout où tu passeras. Même les malades guériront et vivront. C'est ce que ça veut dire aussi. Parce qu'il y a en toi cette perfection invisible de Dieu qu'on appelle la vie et la vie abondante. Il faut, lorsque tu arrives dans une famille de sorciers, ils sont morts, que ces sorciers vivent. Tu arrives dans une famille des impudiques qui tirent leur jupe. banze zinyoroshe. Et c'est vrai, hein? Lorsque tu débordes, ta simple présence gêne. Ça gêne les gens. Vous avez déjà vu ça, non? Il faut que ça déborde. Et que quand tu confrontes le besoin dans leur cœur, c'est le désert. Mais ta présence doit leur faire réfléchir et dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Où dada mbona où dada ouyou? Mais où dada ouyou, où dada ouyou? Il y a un peu de dada ouyou. Où dada ouyou? Il y a un peu de drague, mbona ou naenda? Il y a un peu de drague. Drague ça. Drague na kauka. Na kauka. Pourquoi? Les eaux qui sortent assainissent la mer. La mer est salée. Mais les eaux qui sortent de toi, les perfections invisibles qui sont en toi, assainissent ton environnement. Qu'est-ce que dit la suite? On y va. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis Engedi jusqu'à Engleim. On étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces. Comme les poissons de la grande mer, ils seront très nombreux. La fertilité, la fécondité. La mer qui ne produisait plus va commencer à produire parce que tu es arrivé. Écoutez, lorsque tu signes le contrat, prononce cette parole. Comme je signe le contrat, j'entre dans cette entreprise, il y aura des grands poissons. Il y aura la fertilité. Fertilité intellectuelle. Fertilité stratégique. Fertilité scientifique. Tu deviens professeur de telle université, fertilité dans l'université. Tu deviens général dans une armée, fertilité dans cette armée. Écoutez, mes frères, mes sœurs, vous avez trop traîné en cachant les perfections invisibles qui sont en vous. Il est temps de les libérer. Verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ici, c'est l'image de la constance de toi-même. C'est l'image de la ressource permanente en toi-même. Les feuilles ne vont pas flétrir parce que tu es constamment ressourcé. Constamment ressourcé. Tu es constamment ressourcé. Tu es constamment ressourcé. Les feuillages ne vont pas flétrir. Les fruits vont venir à chaque saison. Alléluia. Alléluia. Et les feuillages vont guérir les nations. Les gens vont venir cueillir de toi. Vous savez, nous n'allons pas seulement aller vers les gens, mais comme les perfections invisibles qui sont en nous sortiront, les gens les verront même au loin et ils viendront cueillir pour être guéris. Ils viendront te poser des questions, ils viendront trouver conseil, ils viendront trouver orientation, ils viendront trouver prière, intercession, ils viendront trouver orientation, ils viendront même trouver de l'argent. De l'argent, j'ai dit de l'argent. La Bible dit, ils prêteront, mais ils n'emprunteront pas. Et je déclare que les Achois vont prêter. Alléluia. Alléluia. Parce que les perfections invisibles qui sont en toi, c'est aussi la richesse et la vie. C'est la richesse aussi. Mais je vais terminer par cette interpellation et puis on va prier. Ésaïe chapitre 32, on va terminer par là. Verset 9 à 16. Tu es en train d'interpeller celui qui plutôt répand les infections invisibles, mais plutôt aussi celui qui garde les richesses de Dieu captives. Et Dieu parle de la femme, mais la femme, c'est aussi l'image de l'Église. Église. On peut y aller, verset 9. 1, 2, 3. Femme insouciante, levez-vous, écoutez ma voix. Filles indolentes, prêtez l'oreille à ma parole. Dans un an et quelques jours, vous avez entendu ça? Dans quoi? Dans un an et quelques jours, vous tremblerez indolentes. Car c'en est fait de l'avantage, la récolte n'arrivera pas. Si vous ne libérez pas les perfections invisibles qui sont en vous, la récolte n'arrivera pas. 2017, c'est une année de récolte. Il faut récolter parce que nous allons assainir les champs. Les déserts vont être changés en forêt, en verger. Mais si nous ne débordons pas, nous ne récolterons pas. Verset 11. Soyez dans l'effroi, insouciante, tremblez, indolente. Déshabillez-vous, mettez-vous à nu et saignez vos reins. On se frappe le sein au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. Autrement, pensez à ce que votre génération va devenir si vous faites ce que vous devez faire. Pensez aux résultats. Héros, archois et archois. Pensez à l'impact. Pensez à la transformation qui vous attend, que vous devez produire. La beauté des vignes, la fertilité des champs. Pensez à cela et ça va vous aider. Et sur la terre, verset 13, sur la terre de mon peuple croissent les épines et les roses, même dans toutes les maisons des plaisances de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne, les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu. Autrement, jusqu'à ce que tu te ressources sérieusement pour apporter ces perfections, le verset précédent va continuer à faire ses ravages. Jusqu'à ce que tu prends conscience, vous avez entendu, femme insouciante, femme indolente. Indolence, c'est la paresse. Les perfections invisibles de Dieu sont remarquées, observées au travers de ses ouvrages. Ouvrage, travail, Dieu a travaillé. Quelqu'un ici ce matin doit travailler. Il doit travailler jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous. Les situations précédentes vont continuer. Et ce matin, quelqu'un voudrait prendre la décision définitive de réclamer l'Esprit de Dieu sur lui constamment. On va prier pendant une minute pour le demander, mais j'aimerais que tu continues à le demander à partir de maintenant, toute cette année, parce que c'est par là qu'on se ressource, on attrape davantage des perfections invisibles. Et quand l'Esprit vient en nous, il est en train de tuer les infections invisibles injectées en nous par les diables. Que l'Esprit descende d'en haut sur nous et que le désert s'échange en verger et que le verger soit changé en forêt. Alléluia. Recueillons-nous un peu devant le Seigneur. Infection invisible ou perfection invisible? Insouciant ou insouciante, indolent ou indolente, inconsidéré, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? garder captif les perfections invisibles ou les libérer. Quelqu'un veut-il prendre un engagement ce matin et dit: Seigneur, ressource-moi, remplis-moi, Seigneur. Je veux déborder, je veux libérer mes perfections invisibles, Seigneur. Lève nos mains devant le Seigneur ensemble et priez avec moi. Dites: Seigneur Jésus, j'ai compris ta parole. Me voici. Je libère les perfections que tu as mises en moi. Le monde attend un signe de ta gloire. Le monde attend les perfections que tu as déposées en moi. Mais pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai vécu insouciant. J'ai vécu indolent. J'ai gardé captif tes richesses insondables. À partir de maintenant, je prends l'engagement de les libérer, de déborder. C'est pour cela, je te prie que ton esprit vienne en moi et active, que la conscience des besoins vienne en moi, la conscience du désert, et active l'onction que tu as mis en moi, afin qu'elle déborde, qu'elle me rende capable, que ta colère rentre dans mon cœur. Donne-moi ta colère devant ces défis, afin que je me lève et que je travaille pour toi dans cette génération. Oh mon Dieu, que la transformation que tu attends dans cette génération passe aussi par moi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.